Ce soir je rentre seul, comme hier, avant-hier. L'impression que le monde me regarde de travers. Il fait si froid dehors, soleil, tu es où? Ainsi seulement je pouvais lui rendre les coups. Lui rendre les coups. Je me rappelle des conseils que donnait mon père. Regarde à gauche et à droite juste avant que tu traverses. Oui mais papa, tu sais, je regarde partout même en l'air. J'avais pas prévu le coup, mes ennemis sont derrière. Mes ennemis sont derrière. La paix ne dure que le temps qu'ils rechargent leurs armes. Le changement n'est qu'un projet, je l'ai vu sur la table. Mieux vaut être téméraire pour espérer une trêve. L'on ne dit plus un mot, je dessine mes rêves. Je dessine mes rêves. Et l'égalité n'est qu'une chimère. Qui est l'inconnu dans la civière? Et toi qui prétends avoir souffert? Les montagnes m'ont parlé de la terre, puis la terre m'a parlé de la mer. Et la mer vient de dire aux forêts qu'on lui fait penser à nos ancêtres.